Nous bénissons notre Dieu. Nous élevons le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Dans Ésaïe 43, verset 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de toute nation. C'est toi qui as fait le ciel et la terre, les habitants et ceux qui y vivent. C'est pour cela que nous reconnaissons que tout ce qui nous arrive, Seigneur, tu es capable de changer cela. La misère dans nos familles, dans nos nations, la pauvreté, les pandémies. Père, nous constatons des morts en cascade, des guerres, des fléaux qui battent ça et là, des choses qu'on n'arrive point à solutionner. Mais nous avons espoir que tu es celui qui était. Tu n'as point changé. Tu es notre Rédempteur. Tu as le dernier mot sur les nations. Tu es capable de dire « Arrêtez, je suis Dieu » et toute chose fera silence. Père, merci d'étendre ta main sur nos nations africaines pour relever, pour restaurer, pour renouveler, pour transformer et que tu suscites des hommes et des femmes qui te craignent pour que ta gloire apparaisse, ta puissance, le bonheur règne au milieu de ton peuple. Merci de visiter quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre rendez-vous ce samedi. Nous aurons notre sortie des célibataires bonheur conjugal au lycée Mamie Fêtée de Bingeville. Ce samedi à partir de 9h jusqu'à 14h. La mise en place va commencer à 8h. Si tu n'as pas encore ton ticket, viens prendre ton ticket à la radio Fréquence Vie. Il reste quelques tickets seulement à 1500 francs. C'était OSB. Au revoir et à demain.